modérer, comme on dit, si c'est toutefois nécessaire, nos discussions. Le thème d'aujourd'hui, bien sûr, c'est l'enseignement pour les sciences économiques et sociales au lycée. Alors, ce n'est pas la première fois que politique des sciences aborde ce thème, parce que ce n'est pas la première fois non plus, bien entendu, que ces disciplines sont mises à mal par nos gouvernements successifs, et en particulier, on a eu à s'occuper activement on a eu à réfléchir en tout cas en 2008 au résultat du rapport Guénry, qui portait, comme vous vous souvenez sans doute, sur la réforme des programmes. Où il était expliqué que la sociologie a un gros défaut, c'est d'être compassionnelle, et que l'économie, si elle n'est pas suffisamment micro, finalement n'apprend rien à la dure discipline des faits aux élèves. Guénry, ça nous concernait directement, puisqu'après tout, c'est un directeur d'études à l'école des études en même temps qu'un professeur au Collège de France, et on a donc réfléchi déjà à cette époque aux problèmes posés. Aujourd'hui, c'est une autre actualité. Et c'est de cette actualité que nous partirons. Mais nous allons aussi revenir sur la genèse, en quelque sorte, de la discipline dans l'enseignement secondaire. Et puis nous allons réfléchir aussi à la spécificité française de cet enseignement dans une perspective, je pense comparative. Je présente en quelques mots les trois intervenants d'aujourd'hui. Erwan Nader est vice-président de l'Association des professeurs de sciences économiques et sociales. Il est donc agrégé de l'ESES, je crois que ça remonte à 2009. C'est ça. Voilà. Il intervient d'ailleurs dans l'enseignement de la discipline aux futurs enseignants en matière. Et puis, j'ai noté que depuis au moins 2011, vous êtes obligé en quelque sorte d'intervenir dans les médias pour défendre le pluralisme dans cet enseignement. France Culture, Libération et bien d'autres, je crois. Bon, aujourd'hui, l'audience est plus modeste, bien sûr, mais elle n'est pas moins distincte. Et donc, moi, interviendra sur le pluralisme dans l'enseignement des SES. Ensuite, Stéphane Beau, professeur en sociologie à Paris-Ouest-Nanterre, après l'avoir été à Nantes, puis à l'UNES. C'est un sociologue des classes populaires, c'est particulièrement des rapports entre jeunesse populaire et enseignement, enseignement et marché de l'emploi, bien sûr. Une référence rapide, Retour sur la condition ouvrière avec Michel Pialoux, c'est un livre qui date de 1999. C'est aussi un sociologue qui pratique l'enquête ethnographique au long cours. Et son guide de l'enquête de terrain, publié avec Florence Devers en 1997 en sa 8e édition, c'est devenu une sorte de classique dans la discipline. Puis, il s'est fait plus récemment sociologue du foot, ce qui dénoue extrêmement de ses préoccupations antérieures. Le foot qu'il a décidé de prendre au sérieux, et je vous renvoie à un numéro tout récent de Savoir Agir, où il réfléchit sur cette discipline sportive, ses fans et ses professionnels. Voilà. Stéphane est aussi un intervenant régulier dans PDS au fil des années. On parlera aujourd'hui de la naissance des SES après un travail d'archives déjà un petit peu ancien, mais qui est, je crois, est important pour nous aujourd'hui. Et enfin, Frédéric Le Baron, qui est professeur aussi de sociologie à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui est donc chercheur du même coup au laboratoire Printemps. C'est un sociologue des économistes. De l'économie et des acteurs de l'économie, parce que ces trois choses sont absolument inséparables dans ses travaux. Une référence récente, La crise de la croyance économique, aux éditions du Croquant, 2010, et puis plusieurs articles sur ces gens si sympathiques que sont les banquiers centraux européens, en tout cas si actifs, notamment dans Regards sociologiques en 2012, et puis aussi un article que je crois très important sur un aspect assez crucial de la conjoncture scientifique de la discipline, c'est-à-dire l'émergence des cognisciences dans la science économique, donc l'émergence de la neuroéconomie, dans un numéro important, je crois, de la revue d'histoire des sciences humaines 2011, où, l'offensive généralisée des sciences cognitives sur les sciences sociales est analysée un peu dans le détail. Et Frédéric traitera du sujet, l'ISES, une précieuse spécificité française. Alors, il y a une sorte de manque du côté des économistes universitaires autour de cette table. C'est pas faute d'avoir essayé. On a contacté des collègues que nous connaissons bien qui auraient pu dire oui, mais tout simplement, ils n'ont pas répondu. Alors peut-être qu'il faut réfléchir à cet inégal intérêt, peut-être des deux disciplines par rapport au SES. Un peu plus. Donc le plus simple est maintenant de commencer à travailler. Erwan, vous commencez, puisque alors on peut prendre les choses, disons, dans la chronologie et dire on commence par la naissance, mais je pense que la mise en scène, disons, de l'urgence politique, en quelque sorte, n'est pas inutile. Donc je pense que ça serait bien de commencer. Très bien. On n'a pas convenu d'une durée d'intervention. Est-ce que Michel vous a dit un mot ? Vous m'avez dit une demi-heure, mais je peux m'adapter en fonction du temps. On est d'accord sur une demi-heure, c'est très bien. On a du temps. Bon.